Alexandra, Alexandrine, oh l'amour dans son fond des bras. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tous les nuits si tu ne me reviens pas. Baissant à l'obango, donc elle voyage musical. Alexandre, Alexandre, Alexandre, Alexandre, Alexandre,